Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment passe-t-on de Narcisse, personnage mythologique, au narcissisme, stade nécessaire au développement de l'enfant en psychanalyse? En quel sens est-il à la fois nécessaire et dangereux de se contempler longtemps dans le miroir? Le risque? Faire si grand cas du « moi » que l'on se mettrait à en parler à la troisième personne, se prendre pour César ou pour Alain Delon. Le comble du narcissisme étant sans doute atteint quand Alain Delon joue le rôle de César, souvenez-vous. César ne vieillit pas. Il mûrit. Ses cheveux ne blanchissent pas, ils s'illuminent. César est immortel. Pour longtemps. César a tout réussi, tout conquis. C'est un guépard. Un samouraï. Il ne doit rien à personne. Ni à Rocco, ni à ses frères, ni au clan des Siciliens. César est de la race des seigneurs. D'ailleurs, le César du meilleur empereur a été décerné à César. Avec moi. Bonjour Clotilde Le Guil. Bonjour Adèle Van Rett. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Vous êtes professeur au département de psychanalyse de Paris 8 Saint-Denis, philosophe et psychanalyste de l'école de la cause freudienne. Vous avez écrit notamment récemment « Je », entre guillemets, une traversée des identités, un ouvrage publié au PUF. Et c'est avec vous qu'on va essayer de sonder le narcissisme aujourd'hui. Est-ce que Alain Delon qui joue César, qui parle de lui à la troisième personne, est-ce que c'est une modalité du narcissisme ou on est dans autre chose? C'est un très bon extrait parce que moi immédiatement ce que ça m'évoque, vous voyez, c'est même pas un texte de psychanalyse, c'est un texte de Kant, donc un texte du XVIIIe siècle, un très joli texte de Kant que j'ai souvent lu justement quand je travaillais aussi sur le narcissisme, où Kant, sans évidemment connaître la psychanalyse, mais finalement pressant quelque chose dont Freud parlera à son tour ainsi que Lacan. Vous vous souvenez peut-être de ce texte, c'est un texte où Kant veut rendre compte de ce qu'est l'avènement du jeu, de la possibilité de dire je chez un individu, et il parle de l'enfant qui commence, avant de dire je, par parler de lui à la troisième personne justement, et qui se nomme lui-même par son prénom, c'est-à-dire par la façon dont les autres qu'il tour parle de lui. Et Kant dit très justement, c'est une observation clinique tout à fait pertinente, que le jour où l'enfant dit « je » pour la première fois, il ne revient plus jamais en arrière. C'est-à-dire que c'est un franchissement subjectif et il ne parlera plus de lui à la troisième personne en disant « Paul veut manger, Paul veut jouer, Paul veut ceci, Paul veut cela ». Mais il y a quelque chose qui a précipité en quelque sorte en lui, qui fait que il se situe comme sujet dans le langage. Le paradoxe étant que là on parle de narcissisme pour quelqu'un qui parle de lui à la troisième personne. Or on aurait tendance à définir le narcissisme comme étant une boursouflure du moi, du je. Oui, parce que dans l'extrait que vous avez passé, très amusant, d'Alain Delon jouant César, là il s'agit non pas d'un enfant qui parle de lui à la troisième personne, mais d'un empereur. Et donc, tout d'un coup, qu'est-ce que cela évoque? Cela évoque une sorte de retour à ce narcissisme primaire de l'enfant, mais à l'âge adulte. Et donc, qu'est-ce que cela évoque? On pourrait dire que ça évoque, en employant un terme de la psychiatrie, un terme de Freud, le délire des grandeurs, c'est-à-dire le fait de se considérer soi-même comme irréductiblement investi d'une mission qu'aucun autre être humain ne peut accomplir. Comment définir le narcissisme en psychanalyse? Est-ce que c'est un passage obligé dans la constitution du sujet ou est-ce que c'est une pathologie? C'est une très bonne question parce qu'en fait, finalement, la question c'est je reformulerai les choses ainsi. Qu'est-ce que la psychanalyse a apporté de singulier à la question du narcissisme? C'est-à-dire qu'en fait, ce terme de narcissisme, il existe avant Freud. Il est employé par les psychiatres allemands. On le trouve notamment chez Krafft-Ebing. C'est en 1870 dans sa psychopathologie sexuelle. Et au départ, en psychiatrie, donc au 19e siècle, le narcissisme désigne une perversion. d'introspection, très concrète. Hein, il ne s'agit pas simplement d'aimer se contempler soi-même. Il s'agit d'une perversion sexuelle qui consiste à ne pouvoir obtenir de jouissance sexuelle qu'à la contemplation de son propre corps dans le miroir. C'est vraiment une perversion à la lettre, hein. C'est pas une métaphore. C'est-à-dire, il s'agit là de Kraft et Bing dans la psychopathologie sexuelle fait référence à des patients qui ne peuvent pas avoir de relations sexuelles ni d'orgasme avec des partenaires, mais qui ne jouissent que de leur propre corps, de l'image de leur corps dans le miroir. Et donc, ce que Freud a apporté en 1914, dans son article fondamental pour introduire le narcissisme, qu'on trouve dans le recueil « La vie sexuelle », c'est justement de considérer que le narcissisme, bien qu'il puisse être une perversion lorsqu'il prend cette dimension, effectivement, qui empêche le sujet d'avoir une vie sexuelle avec un partenaire, le narcissisme pour Freud fait partie du développement normal de la vie sexuelle, c'est-à-dire que c'est un moment dans le développement de la libido du sujet. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le sujet enfant va avoir du plaisir à contempler son reflet dans le miroir et voudra n'aimer que cette image, jusqu'où le mythe de Narcisse, qui va périr de tomber amoureux de son propre reflet, est reporté dans l'analyse psychanalytique. Alors, lorsque vous faites référence au miroir, évidemment, à la fin du mythe de Narcisse chez Ovide, où effectivement il tombe amoureux, enfin il est surpris lui-même de la beauté de son propre visage se reflétant dans l'eau. On pense plutôt à Lacan qui a éclairé les choses en parlant de stade du miroir. Donc finalement, ce que Lacan a apporté après Freud, c'est une analyse du narcissisme comme étant finalement un moment constitutif de la formation du jeu, comme il l'appelle, hein. C'est-à-dire que finalement ce n'est pas un aboutissement du développement subjectif, mais c'est un moment essentiel, c'est le premier temps, on pourrait dire logique, parce que finalement le narcissisme se poursuit dans l'existence, mais c'est le premier temps logique qui permet au sujet de s'appréhender comme ayant, disons, à travers l'image de son corps, de s'appréhender comme un sujet, avant même de pouvoir parler. Donc, pour expliquer un petit peu la façon dont Lacan aborde les choses, dans son écrit « Le stade du miroir », donc en 1949, il s'intéresse à une observation qui a été faite et qui concerne justement la conduite des enfants, des bébés en fait, qui ne parlent pas encore et qui se déplacent à quatre pattes et qui sont encore finalement très maladroits dans leur mouvement, qui ont encore très peu d'agilité motrice. Et on observe, à travers une expérience qui est assez surprenante, c'est que alors qu'ils sont finalement si embarrassés pour se déplacer selon des intentions précises, en revanche, entre 6 mois et 18 mois, parce que c'est pas durant tout l'âge infantile, c'est entre 6 mois et 18 mois, apparaît cet intérêt pour sa propre image dans le miroir. C'est-à-dire que avant 6 mois, si vous mettez un nourrisson devant un miroir, si une mère ou une éducatrice ou une puéricultrice ou un père porte un enfant et le met dans le miroir, il ne s'intéresse pas à cette image dans le miroir parce qu'il ne se reconnaît pas. Mmh. Bon. À partir de 6 mois, bon, environ, hein, l'enfant, un jour, se reconnaît. Bon. Alors là, on pourrait dire, comme je l'ai dit tout à l'heure pour Kant, il y a un franchissement, il y a quelque chose qui fera que il a compris que cette image de son corps qu'il voyait dans le miroir, c'était lui. Donc ça, c'est un moment fondateur, c'est incroyable ce moment-là. C'est un moment jubilatoire, aussi bien pour l'enfant que pour la personne, l'autre, qui présente à l'enfant son image. Et donc, ce qu'observe Lacan, c'est que finalement, cette excitation à reconnaître l'image de son corps dans le miroir, elle ne se poursuit pas pendant toute l'existence. En fait, à un moment, cette jubilation finit par s'amoindrir quand l'enfant commence à parler, justement, et à pouvoir dire « je ». C'est-à-dire qu'il franchit, là aussi, un moment dans sa constitution subjective. Donc, ce que dit Lacan du stade du miroir, c'est que finalement, c'est un moment qui anticipe sur l'assomption du « je ». C'est-à-dire qu'avant d'être, avant de pouvoir dire « je », l'enfant a déjà une appréhension de lui-même comme séparé du corps de la mère, par exemple, comme ayant son propre corps, à travers cette image de lui-même dans le miroir. Et finalement, il jouit aussi de cette image de son corps qui forme un tout. C'est-à-dire qu'il a l'appréhension d'une totalité qui est lui-même. C'est-à-dire que la première intuition de l'enfant comme sujet passe par l'image. C'est ce qui intéresse Lacan dans le stade du miroir. C'est-à-dire c'est cette première appréhension imaginaire. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que Lacan va revenir sur le stade du miroir dans ses séminaires ultérieurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, Lacan mettra l'accent sur le fait que ce qui compte aussi dans cette reconnaissance de l'image de son corps dans le miroir, c'est le fait que l'enfant est accompagné d'un autre qui lui montre cette image et qui se réjouit avec lui. Et donc, il y a là déjà une dialectique qui se met en place et qui lui permet de se réjouir de la jouissance et de la réjouissance de l'autre aussi. C'est-à-dire, si l'autre ne se réjouit pas, si l'autre lui montre son image dans le miroir, mais que le regard reste triste et qu'il n'y a pas de mots qui viennent, là, il n'y aura pas la même jubilation pour l'enfant, mais peut-être même un effet dépressif. Mais vous parlez de jubilation, de jouissance, d'excitation, ça veut dire que d'emblée, le désir est présent dans c'est la perception ça. De l'image. C'est ça. Et non seulement l'enfant se reconnaît comme lui-même, comme « je », c'est ça, et il en jouit immédiatement. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cette dimension de libido qui est d'emblée captée en quelque sorte par ce phénomène imaginaire qui permet d'avoir un sentiment de soi-même, à travers cette image. Et la présence de l'autre est nécessaire, c'est ce que vous dites. La présence de l'autre, après, c'est vrai que Lacan va mettre l'accent sur la présence de l'autre et sur le regard de l'autre pour rendre compte du fait que le stade du miroir n'est pas seulement un moment d'assomption jubilatoire, c'est son expression, mais c'est aussi un moment qui confronte l'enfant à une forme d'aliénation, parce que cette image, finalement, qu'il voit dans le miroir, à la fois il s'y reconnaît et en même temps, elle lui échappe. Ce n'est pas non plus son être. Et cette image, finalement, n'est réjouissante que si l'autre la regarde avec lui et la considère aussi comme source de jubilation. Donc se met en place là toute une dépendance, voilà, Lacan insiste sur ce terme, une dépendance qui, finalement, est aussi source d'angoisse et d'aliénation. C'est pour ça que cette dimension du narcissisme qui prend forme au moment du stade du miroir, elle a d'emblée à la fois un versant, disons, donc jubilatoire, joyeux et allant dans le sens du vivant, hein, et en même temps, d'emblée, il y a quelque chose aussi d'angoissant et quelque chose qui renvoie aussi à l'aliénation et à la pulsion de mort qui est présente donc dans le mythe de Narcisse d'Ovide où finalement cet amour de sa propre image, et bien quand il est absolu, il conduit au suicide. Écoutons comment Lacan parle avec ces termes après avoir écouté la psychanalyste Françoise Dolto qui elle-même l'évoque avec ses propres termes. Un enfant qui s'appelle déjà Toto ou son vrai prénom, quand il voit pour la première fois un miroir, il court à ce miroir en disant bébé, mais pas du tout lui. Il va vers bébé parce qu'il a envie d'avoir un congénère avec lui. Les enfants sont très sociaux, très rapidement, d'enfants de leur âge. Et il tombe sur une surface froide, et ça ne rime à rien, qui fait un mouvement vers l'autre, et l'autre fait le même mouvement qui ne rime à rien, qui n'est pas une réponse, qui n'est pas un complément. C'est tout à fait traumatisant. Et alors dans le miroir, il voit entier ce visage qu'il ne voyait pas, qui lui manquait quand il regardait son propre corps. Mais il voyait les autres. Et tout d'un coup, il découvre qu'il est comme les autres, alors qu'il se pensait le visage de sa mère ou de son père quand il regardait son père ou sa mère. Le petit d'homme, à un âge où il est pour un temps court, mais encore pour un temps dépassé en intelligence instrumentale par le chimpanzé, reconnaît pourtant déjà son image dans le miroir comme telle. Cet acte loin de s'épuiser comme chez le singe dans le contrôle une fois acquis de l'inanité de l'image, rebondit aussitôt chez l'enfant en une série de gestes où il éprouve ludiquement la relation des mouvements assumés de l'image à son environnement reflété, et de ce complexe virtuel à la réalité qu'il redouble, soit à son propre corps et aux personnes, voire aux objets qui se tiennent à ses côtés. Cet événement peut se produire depuis l'âge de 6 mois. Il suffit de comprendre le stade du miroir comme une identification, au sens plein que l'analyse donne à ce terme, à savoir la transformation produite chez le sujet quand il assume une image. Jacques Lacan sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie, ici lu par le comédien Vincent Schmitt, après avoir entendu la voix de Françoise Dolto, aujourd'hui en compagnie de Clotilde Le Guil. On se demande à l'écoute du texte, Clotilde Le Guil, ce qui se passerait si un enfant n'était jamais mis devant un miroir. Ça doit bien arriver. Dans quelle mesure est-ce que l'image est à ce point indispensable à la constitution du sujet si jamais l'enfant ne croise jamais son reflet ? Ce qui compte, c'est peut-être pas tant le miroir lui-même. Lacan tient finalement cette expérience, une expérience qui a été faite par Vallon. Il la cite dans une version antérieure du Stade du miroir en 1936. Ce qui compte finalement, métaphoriquement, c'est le rapport au regard de l'autre. C'est-à-dire que le vrai miroir, c'est le regard de l'autre. C'est le regard notamment que le premier autre que l'enfant rencontre, qui est souvent l'autre maternel, le regard que ce premier autre porte sur lui. Et finalement, c'est à travers ce regard qu'il va s'appréhender lui-même comme être désiré, comme être aimé. Et finalement, toute la problématique du narcissisme prend forme ici à travers la rencontre de ce premier regard qui est un regard qui confère à l'enfant une valeur en tant qu'il est aimé. Finalement, comme si... Le drame, ça serait de rencontrer justement un non-regard, de rencontrer un regard qui ne le regarde pas. C'est plutôt ça, plutôt que de ne pas rencontrer un miroir. Non, mais comme si le Narcisse, dans le mythe d'Ovide, s'il avait été regardé amoureusement par sa mère ou par quelqu'un, peut-être ne se serait pas tué de trop se contempler. En fait, comme s'il manquait un autre. Il y a écho dans le mythe d'Ovide, écho qui parle plus qu'elle n'apparaît. D'ailleurs, il la repousse quand elle essaie de le toucher. C'est lui qui repousse le regard aimant, en réalité. C'est vrai. Disons que par rapport au mythe d'Ovide, si on l'interprète psychanalytiquement, ce qu'on peut y voir, c'est que finalement, la passion narcissique est aussi ce qui transforme tout rapport à l'autre en recherche finalement d'une sorte de justement de garantie narcissique et qui conduit à ne jamais entendre les paroles de l'autre autrement que comme un écho de ses propres paroles. Finalement, moi, je le dirais comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on entend l'autre que dans la mesure où il fait écho à notre propre narcissisme. Ça serait ça, disons, le drame du narcissisme et ce qui ferait que le narcissisme, disons, poussé vraiment dans ses pires extrémités, comme on le voit bon, là à travers le mythe de Narcisse, mais on parlera ensuite, je pense, d'autres personnages qui incarnent quasiment cette forme de délire. Et en effet, ce qui conduit à s'exclure totalement de toute possibilité de rencontre avec l'autre. Ce qui veut dire que la présence de l'autre détermine le rapport que nous entretenons avec nous-mêmes, l'amour que nous portons. C'est ça, c'est presque, on pourrait dire, l'autre est premier. Alors que c'est là encore un cliché ou une idée reçue qui tombe, puisqu'on fait du narcissisme celui qui ne pense qu'à lui. En réalité, celui qui ne pense qu'à lui, c'est celui qui n'a pas eu ou n'a pas su une altérité dans son rapport à lui-même initialement. Alors ça peut être celui qui n'a pas eu une altérité, ça peut être aussi celui qui a peut-être connu initialement une forme d'amour tellement inconditionnelle qu'il sait que plus jamais il ne retrouvera auprès d'aucun autre cet amour-là. On a certains, je pensais en préparant cette émission, à certains exemples dans la littérature, par exemple Marcel Proust, dans La recherche du temps perdu, dans le tout début, du côté de chez Swann, il évoque voilà cet amour inconditionnel pour sa mère, en d'emblée, en considérant que c'est un objet perdu à jamais, qu'il ne retrouvera jamais chez une femme qu'il a connue à travers le regard de sa mère. C'est la phrase de Romain Gary hein, qui dit que l'amour maternel nous fait à l'aube de la vie une promesse qu'elle ne pourra jamais tenir. Exactement, c'est tout à fait ce que j'allais poursuivre avec en effet la promesse de l'aube, parce que bon, chez Romain Gary c'est dit alors là aussi avec une espèce de lucidité qui est impressionnante, et on voit effectivement que le rapport aux femmes finalement est d'emblée voué à une impasse dès lors que aucune femme ne pourra se tenir avec son amour à la hauteur de cet amour maternel inconditionnel qu'il a connu dans son enfance. Alors avant d'explorer les différentes figures narcissiques et puis d'en revenir à Freud aussi qui sur le sujet a des choses à dire que Lacan a prises en compte et parfois contredites, un point sur ce que vous dites sur l'importance du regard de la mère, de la femme, du regard maternel, dans quelle mesure est-ce que cette analyse est genrée ? Est-ce que ça doit être la mère qui pose ce regard sur l'enfant ou est-ce que ça peut être le père ? Souvent, Lacan dit plutôt le regard de l'autre, c'est-à-dire il s'agit plutôt du premier autre que rencontre l'enfant. C'est pas tellement la question qu'il rencontre un homme ou une femme au départ. Ce qui compte, c'est qu'il rencontre un désir. C'est que finalement, à travers le regard qu'il accueille dans le monde de l'autre, il rencontre un désir. Alors évidemment, ce n'est pas seulement le regard, c'est la parole aussi, parce que vous avez saisi que même quand Lacan parle du stade du miroir, il considère que les paroles qui sont dites à l'enfant au moment où il appréhende son image en miroir sont essentielles. C'est-à-dire qu'il est essentiel que l'autre aussi prenne du plaisir au plaisir que l'enfant prend lui-même à se voir dans le miroir. C'est-à-dire que c'est vraiment finalement aussi le finalement c'est une expérience d'être désiré aussi par l'autre en quelque sorte. Et qui nous conduit à dire moi ou à dire je. Eh bien justement pour Lacan, il y a une différence fondamentale entre le moi et le je, mais le moi est une première assomption du jeu, c'est-à-dire c'est une première anticipation du jeu. Dit que c'est une image du jeu. C'est ça, c'est-à-dire que, disons que pour essayer de clarifier un peu les choses, que Lacan s'intéresse quand même à l'expérience de la psychanalyse, donc il essaye, quand il distingue le moi du jeu, c'est pour éclairer quelque chose sur l'expérience de l'analyse et sur ce qui se passe dans l'analyse. Et ce que Lacan veut montrer, c'est que finalement, dans l'analyse, il n'est pas question d'une relation entre le moi et l'autre, c'est-à-dire entre un ego et un alter ego, entre deux semblables, une relation qu'il appelle, lui, imaginaire, c'est-à-dire où on s'identifie à l'autre en considérant que l'autre n'est en quelque sorte qu'une image de soi-même, mais que dans l'analyse, il s'agit d'une expérience qui met en jeu une dimension au-delà de l'imaginaire, que Lacan appelle le symbolique, et qu'il emprunte cette expression à Lévi-Strauss, qui avait écrit un article qui a beaucoup compté pour Lacan, qui s'intitule « L'efficacité symbolique ». Et donc, ce que Lacan veut montrer, c'est que l'expérience de l'analyse met en jeu le sujet de l'inconscient, le « je », qui, finalement, s'appréhende à travers la parole, à travers l'association libre, et qui ne s'appréhende qu'à condition, justement, que celui qui parle franchisse, en quelque sorte, cette barrière imaginaire qui fait que, dans un premier temps, en effet, il va parler depuis plutôt le moi. C'est-à-dire qu'il va, dans un premier temps, être en analyse peut conduire finalement à essayer de se présenter sous un angle qui serait, disons, conforme aux idéaux du moi. Voilà. Et ce que nous dit Lacan, c'est que finalement, justement, la psychanalyse, contrairement à ce qu'on peut croire aussi aujourd'hui, ce n'est pas une expérience narcissique, ce n'est pas une expérience du moi-je. La psychanalyse, c'est une expérience qui conduit à aller au-delà du narcissisme, donc justement à accepter d'abandonner en quelque sorte toutes ces certitudes narcissiques sur son être qui conduit finalement à avoir un autre rapport à son existence qu'un rapport d'image. Donc il faudrait, l'analyse inviterait le patient, lui permettrait d'abandonner le moi pour pouvoir dire je. En fait, celui qui dit je, c'est celui qui a réussi son analyse. C'est-à-dire qu'en fait, le je qui parle en analyse, on pourrait dire que c'est exactement le je dont parle Rimbaud lorsqu'il dit « je est un autre ». Le je qui parle en analyse, c'est justement un je qui est un étranger pour le sujet, puisque c'est le sujet de l'inconscient. Et le moi, lui, finalement, n'est qu'une image que l'on se forge de soi-même à partir de certains idéaux. Et cette image, finalement, pour Lacan, ne permet aucunement d'accéder au désir inconscient. Et au contraire, elle y fait obstacle. C'est-à-dire, plus on est finalement capté par cette image, plus finalement on aime son propre moi, moins on a accès à son désir inconscient et finalement à sa propre étrangeté. C'est ça, pouvoir se débarrasser d'une image du moi, pouvoir dire « je », parce que le « je » lui-même n'a pas d'image primitive, en tout cas. Voilà, le « je », finalement, est d'ordre symbolique pour Lacan. Hein, c'est-à-dire que c'est une expérience de parole, une expérience de révélation, c'est un terme que Lacan emploie dans le séminaire 1, et ce n'est pas du tout une expérience narcissique en ce sens. Un exemple de narcisse, de narcissique incarné et ultime qu'aime Lacan, il s'agit d'Alceste dans la pièce de Molière, Le Misanthrope. Vous voulez un grand mal à la nature humaine. Oui, j'ai conçu pour elle une effroyable haine. Tous les pauvres mortels, sans nulle exception, seront enveloppés dans cette aversion. Encore en est-il bien, dans le siècle où nous sommes. Non, elle est générale, et je hais tous les hommes. Les uns parce qu'ils sont méchants et malfaisants, et les autres pour être aux méchants complaisants. Et n'avoir pas pour eux ces haines vigoureuses que doit donner le vice aux âmes vertueuses. Et parfois il me prend des mouvements soudains de fuir dans un désert l'approche des humains. Mon Dieu, des mœurs du temps, mettons-nous moins en peine et faisons un peu grâce à la nature humaine. Ne l'examinons point dans la grande rigueur et voyons ses défauts avec quelque douceur. Il faut parmi le monde une vertu traitable. À force de sagesse, on peut être blâmable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage. Avec sobriété, cette grande roideur des vertus des vieux âges heurte trop notre siècle et les communs usages. Elle veut aux mortels trop de perfection. Il faut fléchir au temps, sans obstination. Et c'est une folie, à nulle autre seconde, de vouloir se mêler de corriger le monde. Alceste paraît bien excessif. Ça, c'est indiscutable, sa haine de la nature humaine, sans demi-mesure, comme lui objecte Philinte. Ici, Philinte, interprété par Michel Duchossois, et Alceste est joué par François Beaulieu. C'était une fiction de France Culture diffusée en 78. Excessif, certes, mais pourquoi narcissique? Mais oui, c'est vrai que c'est étonnant, et finalement c'est vraiment une lecture lacanienne. Enfin, c'est un apport de Lacan pour éclairer le narcissisme, et finalement on voit bien avec Alceste d'ailleurs l'articulation entre narcissisme et pulsion de mort. Alors Lacan évoque donc la figure d'Alceste dans un écrit qui porte sur la folie. Un écrit de 1946 qui s'intitule « Propos sur la causalité psychique ». Et dans cet écrit, il évoque la figure d'Alceste pour démontrer ce qu'est la folie. Alors, en quel sens est-ce qu'il considère... Donc, Alceste dénonce dans le passage que vous avez passé, justement, la folie des autres, la folie de ceux qui ne sont pas suffisamment attachés à la vérité, finalement, et qui s'autorisent à mentir et à dévaluer la parole. Alors, ce que finalement, Lacan retourne, en quelque sorte, les choses en montrant que la folie est du côté d'Alceste, au sens où Alceste est animé d'une passion. Quelle est-elle, cette passion? Il est animé d'une passion, c'est l'expression que Lacan emploie, de démontrer à tous son unicité. C'est-à-dire que lui seul, toute l'humanité finalement, n'est pas à la hauteur de ses exigences à lui. Là, on voit le narcissisme exigeant d'Alceste. Lui seul, finalement, est à même d'avoir un usage du langage à la hauteur de ce que doit être le langage, c'est-à-dire vraiment de ne dire que la vérité, de ne jamais manier les semblants, de ne jamais faire usage du mensonge. Et finalement, ce que montre Lacan me fait penser un petit peu, puisque vous avez parlé de Rousseau dans l'émission précédente. On pense beaucoup à Rousseau, voilà, en écoutant Alceste. C'est ça. Finalement, me fait penser aussi à cette phrase de Rousseau dans Les Confessions, lorsqu'il ouvre Les Confessions en affirmant qu'il forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple et qui n'aura jamais d'imitateur. Il y a quelque chose de cet ordre dans l'amour qu'Alceste voit Célimène, c'est-à-dire qu'il considère que cet amour extrême qu'il voit Célimène est un amour hors du commun, que c'est un amour véritable, et pourtant, il va jusqu'à dire qu'en vertu de cet amour extrême, il en vient à la haïr et à lui souhaiter le pire. Et c'est là que Lacan épingle quelque chose vraiment de l'ordre de son narcissisme, de son infatuation, de sa folie, qui le conduit finalement à préférer s'exclure de l'humanité, à la fin de la pièce, donc il quitte en quelque sorte le monde de l'autre. Ce narcissisme le conduit à préférer s'éprouver lui-même comme la victime de tous, plutôt que de consentir à une quelconque dialectique qui le conduirait à accepter, en effet, que l'autre ne répond pas totalement à ses exigences. Et le conduit jusqu'à vouloir détruire l'être aimé, surtout. C'est ça, et c'est là où on voit, finalement, la dimension agressive du narcissisme, dimension sur laquelle Lacan a également beaucoup insisté. C'est-à-dire que ça nous permet de montrer que, à la fois le narcissisme est un moment fondateur de la constitution subjective, mais il est aussi une impasse s'il n'est pas dépassé. Parce que ce que Lacan veut montrer à travers la figure d'Alceste, c'est que finalement, depuis cette posture narcissique, le rapport à l'autre n'est qu'un rapport d'agressivité, un rapport de rivalité, un rapport de concurrence, un rapport de guerre, où, finalement, ne peut s'instituer que le ou moi ou l'autre. Hein ? Mais finalement, il n'y a pas de dualité possible. Et c'est ce que, finalement, montre Lacan aussi dans son écrit sur le stade du miroir, quand je vous expliquais tout à l'heure que c'est un moment qui est destiné à être franchi. Ce que Lacan montre, c'est qu'au moment où l'enfant est pris et capté comme ça par son image en miroir, c'est aussi un moment à la fin donc de ce stade, donc vers 18 mois, où il est capté par l'image de son semblable, hein, c'est ce à quoi faisait référence Françoise Dolto dans l'extrait que vous avez passé, et il est capté par l'image de son semblable au sens où ce qu'il voit chez l'autre, il le saisit comme venant aussi de lui-même. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... C'est ce que Lacan appelle le transitivisme. Il reprend cette expression à Charlotte Buller. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appréhension de ce qui vient de l'autre comme venant d'une altérité. L'enfant qui tape un enfant du même âge peut dire en toute sincérité « il m'a tapé ». Il ne faut pas prendre ça comme de la mauvaise foi, comme un mensonge, comme un caprice, comme de la méchanceté. Non, c'est l'effet du transitivisme. C'est-à-dire, je l'ai tapé, il m'a tapé, mais moi et l'autre, c'est le même. C'est-à-dire qu'il s'agit simplement d'un double de lui-même, sans finalement véritable altérité. Et donc, ce que Lacan montre, c'est que quand on ne franchit pas ce moment finalement du narcissisme, eh bien, on est condamné à l'agressivité avec l'autre, et c'est aussi ce que Lacan cherche justement à critiquer dans la pratique de certains psychanalystes qui se tiennent comme ça dans un rapport imaginaire avec leurs patients et finalement qui ont affaire à l'agressivité de leurs patients. Lacan dit, finalement, dès que surgit l'agressivité du côté de l'autre, c'est que, en tant qu'analyste, on n'est pas dans la bonne position. C'est qu'on est dans une position de semblable et que, justement, on ne permet pas à celui qui parle d'accéder finalement à un intérêt pour son inconscient. Ce refus de l'altérité qui nous échappe, ce refus destructeur de l'altérité qui nous échappe, fait écho à une expression qu'on a beaucoup employé ces dernières années, qui est celle de pervers narcissique. On retrouve le terme de narcissique, en quoi celui-ci serait-il pervers? On va troquer le duo Alceste-Philinte pour un nouveau duo, un couple cette fois-ci, Giorgio et Tony. Giorgio, c'est Vincent Cassel qui l'interprète. Tony, c'est Emmanuel Berco dans le film de Mai Wen, Mon Roi. Tony voudrait quitter Giorgio, mais celui-ci n'est pas d'accord et écoutez la manière qu'il a de présenter leur relation amoureuse et la dureté avec laquelle il s'impose à elle. N'est-ce pas là un cas de perversion narcissique? On écoute l'extrait, puis vous nous direz ensuite, Clotilde Le Guil. Je veux divorcer. Tu m'aimes? Oui. Bon, et ben voilà, c'est réglé. L'addition. Non, c'est pas réglé. Quoi? Et le problème, c'est ni toi ni moi, le problème, c'est nous deux ensemble. C'est une chanson de Cabrel, ça, non? Tu cherches quoi exactement? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Vivre sans toi, ne plus te voir. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux. Personne ne fera de crise. Il n'y aura pas de larmes. Aura... Tu es tellement mieux. Tu te rappelles donc que c'est toi qui es venu me chercher? Moi, je suis venu te chercher. T'as bien vu que j'étais un mec avec des potes, avec des bouteilles. Tu m'as vu. Tu m'as calculé quand même. T'es une avocate. C'est pas comme si t'avais trouvé un mec dans une bibliothèque. Ouais. On quitte les gens pour la même raison. Exactement, exactement. Pour laquelle exactement nous ont attiré en premier exactement. Lieu. Et c'est pour ces raisons-là précisément. D'accord. Donc ça veut dire que le prochain va t'attirer pour une raison et tu vas le quitter encore une fois. Tu sais, il y a un moment où il faut construire. Hein. Mais on construit rien. Ah bon? Non, on se détruit, c'est tout. Pas toi. Ah, pas moi. Pas toi, parce que rien ne t'atteint et puis de toute façon... La pudeur, t'as entendu parler? Quand on aime, on souffre. Ouais, ouais. C'est pas facile. Mais toi, tu souffres pas beaucoup. Mais qu'est-ce que t'en sais? Putain, mais arrête un peu de me dire ce que je ressens. Tu me fais chier, quoi, c'est vrai. C'est quoi ce truc, là? Qu'est-ce qu'il faut que je te dise? Faut que je me mette à chialer toutes les deux minutes? Qu'est-ce que tu sais de ce que je ressens? Il faut que je sois extérieur pour que. Il faut quoi? Tu t'es battu, toi? Oui. Non. Ouais. Pas une seconde. Toi, se battre, c'est quoi? C'est pousser des cris, avoir du sang partout, etc. C'est pas comme ça que je me bats, c'est tout. Je me démerde pour que tu puisses pas partir. C'est ma manière à moi de me battre. Pourquoi tu veux que je sois comme tu veux? Alors que t'es venu avec moi, justement parce que je suis comme je suis. Quand on entend ça, Clotilde Le Guil, on se dit qu'on a affaire à un cas d'une personne qui veut tout faire pour garder l'autre, quoi qu'il en coûte, et quelle que soit la parole qu'elle-même essaye de prononcer, c'est une force terrible, c'est une forme de violence. Est-ce qu'on est là dans un cas de ce qu'on appelle la perversion narcissique? Alors, déjà, le terme de pervers narcissique, c'est plutôt un terme, disons, qui vient des médias. Enfin, c'est pas un terme. Enfin, disons que c'est un terme qu'on trouve chez les post-freudiens, mais ce n'est pas un terme qu'on trouve tel quel chez Freud et encore moins chez Lacan. Finalement, on n'a pas besoin d'ajouter narcissique à pervers. Hein, on peut dire. C'est un pléonasme. C'est une sorte de pléonasme, c'est-à-dire que. Si on parle du narcissisme au sens où en parlaient les psychiatres, auxquels je faisais référence au tout début de l'émission, il s'agit d'une perversion. Bon, c'est-à-dire d'une impossibilité, justement, d'avoir finalement une véritable jouissance en passant par le rapport avec un autre. Ça, c'est la perversion. Ce n'est pas pouvoir inclure l'altérité dans sa jouissance. Oui, ou s'en servir, disons... Comme un instrument. Voilà, c'est ça, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire s'en servir, justement, uniquement comme objet de jouissance et en court-circuitant totalement le désir. C'est-à-dire que ce qui est... Alors là, au sens lacanien, disons que la perversion renvoie au fait d'angoisser l'autre, finalement... depuis sa jouissance. C'est-à-dire le pervers, c'est celui qui veut jouir de l'autre et qui angoisse l'autre parce que justement l'autre se demande ce qu'il veut faire de lui. C'est angoissant, quelqu'un qui veut juste jouir de vous. Hein, qui, quand on court-circuite la dimension de l'amour et du désir, c'est un peu angoissant. Bon. Donc là, dans l'exemple que vous avez passé, enfin, dans l'extrait du film de Mai Wen, on peut entendre quand même aussi le caractère destructeur, finalement, de l'amour, la façon dont la pulsion de mort peut aussi se nouer à l'amour. Et, j'ai pas vu le film, alors je suis pas à même vraiment de faire une analyse du film, mais simplement sur ce petit extrait, on entend la façon dont cet homme, pour reprendre une formule de Lacan, est un peu un ravage pour cette femme. Et finalement, il y a effectivement en amour, il y a des bonnes rencontres et puis il y a des mauvaises rencontres. Voilà. Mais après, la question de savoir, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que le narcissisme tue l'amour? Parce que dans un sens, le narcissisme peut aussi peut-être guérir l'amour. Oui, alors cette question nous permet de revenir à Freud, justement. Et ce que Freud a montré, c'est que, pour introduire le narcissisme, c'est que en fait, il s'agit d'un va-et-vient de libido entre finalement la façon dont la libido peut s'investir sur le moi, et ça c'est le narcissisme, et justement la façon dont cette libido qui investit sur le moi, au bout d'un certain temps, a besoin aussi de s'investir sur l'autre, parce que si elle reste seulement investie sur le moi, bah effectivement ça donne la paranoïa, le délire des grandeurs, ça donne Alceste, donc cette libido, disons qu'elle a besoin à un certain moment de trouver à se poser sur un objet. Et donc Freud s'intéresse à la dimension du narcissisme dans l'amour, et il montre de façon nouvelle, je crois, que justement il existe une forme d'amour qu'il appelle l'amour narcissique, qui ne consiste pas à ne pas pouvoir aimer, mais qui consiste à aimer dans l'autre ce qu'on a été, ce qu'on voudrait être, et ce qu'on a perdu. Oui, il dit, on aime alors, selon le type de choix narcissique, ce que l'on a été, ce qu'on a perdu, ou bien ce qui possède les perfections que l'on n'a pas du tout. Et il ajoute cette phrase incroyable, hein, il dit finalement, on aime ce qui possède la qualité éminente qui manque au moi pour atteindre l'idéal. Donc on aime en l'autre ce qui nous manque pour atteindre le moi idéal. C'est ça. Voilà, ça c'est la dimension narcissique de l'amour que Freud ici ne condamne pas, hein, il ne dit pas que ça empêche d'aimer, mais il en montre néanmoins le caractère quand même illusoire, c'est-à-dire que finalement il y a quelque chose de cet idéal du moi, ou plutôt de ce moi idéal que l'on croit retrouver dans l'autre et qui alimente l'amour, mais la question est de savoir si finalement on n'attribue pas à l'autre là si on n'attend pas là de l'autre, de nous permettre de trouver finalement ce qui pourrait répondre à notre manque. Et en effet, qu'il nous sauve. Alors il y a cette dimension dans l'amour et dans la rencontre amoureuse, en particulier, du côté des femmes, qui peut faire qu'une femme voit en l'homme celui qui va la sauver. Finalement, ce que Freud montre aussi, c'est que c'est une passe dans une certaine mesure, car cela conduit à une forme de dépendance qui empêche le sujet de désirer lui-même, c'est-à-dire de mettre tout son désir dans la vie amoureuse, finalement conduit à penser que seul l'autre peut rendre la vie désirable d'une certaine façon. Oui, Freud a même jusqu'à dire on ne peut pas se satisfaire de cette issue, donc demander à l'autre de nous aider, d'être la figure de notre moi idéal, parce qu'elle comporte tous les dangers d'une dépendance accablante envers ce sauveur. C'est-à-dire que l'autre devient le moi idéal qui semble me sauver parce qu'il me donne ce moi, mais en réalité, ça n'est pas moi, c'est l'autre. C'est ça. C'est-à-dire que quand Freud évoque cela, il parle aussi de la cure et il montre que finalement, certains patients viennent le rencontrer parce qu'ils éprouvent une incapacité d'aimer. Ils n'arrivent pas à tomber amoureux parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un refoulement par rapport à l'amour qui est trop puissant. Et le paradoxe, dit-il, c'est qu'un des effets de la cure peut être de lever ce refoulement et de leur permettre de tomber enfin amoureux. Et là, quand ils tombent amoureux, ils arrêtent la cure parce qu'ils pensent qu'ils ont trouvé leur sauveur. Mais finalement, l'amour va les confronter peut-être à une autre forme de cauchemar. Oui, dans laquelle, à l'issue duquel, on comprendra qu'on est finalement vraiment toujours tout seul, pour dire « je ». Et à l'issue de laquelle, on est amené à distinguer l'amour et le désir. Le selfie exhibé sur les réseaux sociaux est la nouvelle idéologie de notre temps. Ce que l'écrivain italien Andrea Inglese appelle l'unique passion légitime, celle de l'autopromotion permanente. Il existe une hiérarchie aristocratique édictée par le selfie. Les selfies solitaires, où l'on s'exhibe devant un monument ou un paysage, ont une signification. Je suis allé dans cet endroit, et pas toi. Le selfie est un curriculum visuel, une e-carte de visite, un marchepied social. Le selfie à côté d'une célébrité est plus lourd de sens. Le selfiste cherche à prouver qu'il a rencontré quelqu'un de plus connu que son voisin. Personne ne demande de selfie à un anonyme, sauf s'il a une originalité physique. Le selfie est une déclaration d'amour, mais pas seulement. Il est aussi une preuve d'identité. La logique selfique peut bien être résumé ainsi. Benabar voudra un selfie avec Bono, mais Bono ne voudra pas de selfie à côté de Benabar. Par conséquent, il existe une nouvelle lutte des classes tous les jours dans toutes les rues du monde entier, dont l'unique but est la domination médiatique, l'exhibition d'une popularité supérieure, la progression sur l'échelle sociale de la notoriété. Je propose de baptiser cette nouvelle violence le selfisme. Dans quelle mesure le narcissisme est-il toxique? Et surtout, pour transposer cette réflexion dans le cadre contemporain, Clotilde Le Guil, est-ce qu'on pourrait dire que nous serions bloqués à l'ère 2.0, à l'ère des réseaux sociaux et des selfies, au stade, disons, du miroir électronique, hein, on pourrait en parler ainsi, selon une expression que vous connaissez bien. Je viens de lire un extrait d'un texte de Frédéric Becbédé, Une vie sans fin, hein, qui est paru cette année, qui invente ce mot de selfisme, diagnostiquant ici peut-être une pathologie contemporaine qui est très proche du narcissisme, n'est-ce pas? Oui, on pourrait dire que le selfisme, en tout cas, c'est un symptôme contemporain. Je pense qu'il ne s'agit pas nécessairement de juger, on peut s'en étonner, mais de fait, on voit bien que les sujets contemporains trouvent peut-être une réponse à une forme d'angoisse dans le fait de pouvoir, en effet, entretenir un rapport à leur image qui leur permet de, vous avez employé le terme d'identité, hein, quand vous avez lu le texte de Becbédé, qui leur permet finalement de rencontrer une identité. Voilà. Moi, j'ai intitulé mon livre « Jeu, une traversée des identités » et justement, la psychanalyse ne conduit pas à rencontrer une identité, mais à traverser l'identité, la croyance dans une identité, plutôt à se désidentifier. Et donc, moi je me suis interrogée aussi dans mon livre sur, moi j'ai appelé ça le narcissisme de masse, mais en fait c'est une expression que j'ai trouvée en Italie sur un mur, c'était un graffiti, je suis arrivée à Venise et puis j'ai vu un graffiti, d'abord j'ai vu tout le monde en train de se filmer et de se photographier, de se selfier arrivant à Venise plutôt que de regarder Venise. Et je suis tombée sur ce graffiti qui disait « Le narcissisme de masse et le goulag des temps modernes ». Je me suis dit, oh ben ça, j'ai bien aimé cet aphorisme un peu à la Guy Debord et ça m'a beaucoup inspirée. Et du coup, voilà, j'ai écrit ce chapitre sur le narcissisme de masse. Moi, je l'interprète aussi comme une tentative, finalement, d'essayer de continuer à affirmer sa singularité en une époque où chacun est pris par l'uniformisation du monde, par la globalisation, par la scientifisation, par la quantification, et une époque peut-être où il devient difficile pour chacun de faire reconnaître une forme de singularité. Donc finalement, qu'est-ce qui reste au sujet contemporain qui est pris comme ça par le discours de la science notamment et de la quantification pour s'affirmer comme dans sa différence? Eh bien, peut-être qu'il lui reste le narcissisme. Peut-être que c'est finalement un effort pour se faire reconnaître de l'autre. Et en même temps, on voit bien que dans cette passion pour sa propre image comme ça répercutée sur la toile, il y a une forme d'impasse. Pourquoi? Parce qu'il y a effectivement une passion de démontrer son unicité à l'autre, mais absolument pas un intérêt pour l'autre. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui fait que le monde semble en quelque sorte se refermer, se replier, comme s'il n'existait plus qu'à travers cette dimension que le sujet entretient avec sa propre image. C'est ça, on retourne à l'image ici, c'est nécessaire ça. Au développement dans le stade du miroir, pour reprendre l'expression et ce que disait Lacan. Mais au fond, il n'y a pas de jeu, il y a un moi qui se contemple. C'est ça, il n'y a pas de jeu, il y a un moi qui se contemple. Et ce qui est assez nouveau, me semble-t-il, c'est que justement, on est parti du narcissisme et du rapport à l'autre. l'autre comme étant aussi constitutif de ce narcissisme, mais le rapport à l'autre que nous avons évoqué à propos de l'enfant, c'est le rapport à un autre non anonyme, c'est un autre incarné, un autre que l'on rencontre, un autre qui nous parle. Or là, avec ce narcissisme de masse, on a affaire finalement à un autre totalement anonyme, ou on pourrait dire peut-être à un autre qui n'existe pas vraiment. Hein. On ne sait pas vraiment quel est cet autre de la toile, quel est l'autre qui va jouir en quelque sorte des images que je cède à cet univers pour exhiber ma propre... Surtout, il y en a une multiplicité, cette fois-ci. Il n'y a pas un autre, mais il y a notre moi est présent à des centaines de milliers de regards. C'est ça, et une multiplicité, et du même coup, il y a quand même une dimension d'anonymisation. Hein, c'est-à-dire que il s'agit pas d'attendre d'un autre en particulier qu'il réponde en quelque sorte à une demande de reconnaissance, hein, mais il y a quand même une dimension qui conduit finalement le sujet à se perdre dans cet océan de regards anonymes. Et moi, ce qui me semble intéressant dans le rapport au selfie, c'est aussi le fait que finalement, il s'agit de partir à la recherche de quelque chose. Il y a une recherche quand même. On pourrait dire que c'est que Internet et peut-être les réseaux sociaux sont un peu la nouvelle terre de l'objet perdu, hein, pour parler avec des catégories freudiennes. C'est-à-dire qu'on va on va chercher ce qui nous manque, puisqu'on parlait du manque tout à l'heure. On va chercher l'objet qui nous manque, l'objet perdu. Mais en même temps, on le trouve pas. Ça rate. Et c'est pourquoi un selfie ne suffit jamais. Mais il y a effectivement une pulsion qui ne cesse pas, là, et qui est mise en acte grâce à ces appareils technologiques. Et qui n'est pas nouvelle, car n'est-ce pas toujours soi que l'on aime à travers l'autre ? Merci beaucoup Clotilde Leguil d'être venue nous parler du narcissisme aujourd'hui. Merci Adèle Van Rett. Je renvoie les auditeurs à vos ouvrages, notamment Jeu, avec entre guillemets un jeu, une traversée des identités que vous avez évoquées, mais aussi L'être et le genre, Homme-femme après Lacan, deux ouvrages disponibles aux éditions PUF. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Je ne sais pas si la nouvelle vous est parvenue, mais le 4 octobre dernier, la Commission d'enrichissement de la langue française, cette institution chargée d'acter l'évolution de la langue auprès de l'administration, a fini par livrer le résultat de ses cogitations sur la manière de traduire en français le terme « fake news ». Après mûre réflexion, elle a fini par opter pour le mot « infox », un néologisme juxtaposant « information » et « intoxication ». L'infox, une infox, puisque le mot est féminin, c'est une information mensongère ou délibérément biaisée. Si la commission d'enregistrement de la langue française a été invitée à plonger sur le sujet, c'est parce que, depuis l'élection de Donald Trump, qui a popularisé le terme, la question des fake news polarise tous les débats. La prolifération des fausses nouvelles serait même responsable du basculement de nos sociétés dans une nouvelle ère, l'ère de la post-vérité, terme forgé par Steve Teichich dans un article paru en 1992. Ça n'est en réalité que récemment que le concept a été repris un peu partout, au point d'ailleurs où le très respectable dictionnaire britannique Oxford a jugé en 2016 que le mot « post-vérité » était le mot de l'année. La définition qu'il en donne est la suivante. Circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. la nécessité qui semble s'être imposée d'inventer et de consacrer de nouvelles expressions pour décrire les évolutions récentes des interactions entre politique et médias pourrait laisser croire que la question de la vérité en politique est tout à fait inédite dans l'histoire de l'humanité. Évidemment, et je ne pense pas vous spoiler pour utiliser un autre terme anglais en vous le disant, il n'en est rien. Cette tension entre vérité et politique est en fait vieille comme le monde, et c'est seulement en remontant le fil de l'histoire de la philosophie que l'on peut reconstituer ce qui relève de la continuité et ce qui relève de la rupture. C'est à cela que s'attelle Myriam Revaud-Allonne dans un ouvrage passionnant intitulé « La faiblesse du vrai, ce que la post-vérité fait à notre monde commun », paru la semaine dernière aux éditions du Seuil. Dès l'introduction, la philosophe prévient « Vérité et politique n'ont jamais fait bon ménage. Premièrement, parce qu'il est communément admis que l'exercice du pouvoir ne va pas sans une certaine pratique du mensonge et de la manipulation. Deuxièmement, parce que de tout temps, les hommes ont été enclins à soupçonner la compatibilité entre la recherche de la vérité et l'exercice de la politique au jour le jour. » Selon Myriam Revaud-Allonne, pour y voir plus clair, comme souvent, il faut d'abord remonter aux Grecs et commencer par un événement fondateur de la pensée politique occidentale. Le procès et la mort de Socrate, philosophe épris de liberté et de vérité, victime de la vindicte populaire. Au-delà de la singularité de l'événement et du personnage, pour Platon, l'événement montre bien qu'il y a un antagonisme quasi insurmontable entre la recherche de la vérité et les conditions dans lesquelles s'exerce la politique. Il ne renonce pas pour autant à la politique. Il considère au contraire que la cité doit être confiée à celui qui a les yeux fixés sur l'essence éternelle et immuable, c'est-à-dire au philosophe. Aristote, lui, pose le problème de manière différente, en distinguant le domaine de la science, marqué par la nécessité, du domaine des affaires humaines, marqué par la contingence. Dans cette perspective, la pratique politique n'est pas déduite d'une ontologie préalable qui serait celle de la vérité, elle est avant tout une expérience qui requiert certaines qualités rebelles à toute conceptualisation. C'est avec l'avènement de la modernité qu'apparaît une toute autre conception des rapports entre vérité et politique, sur fond de divorce à la fois avec les principes antiques, mais aussi les principes chrétiens. Cette rupture est parfaitement incarnée par Machiavel, qui considère que si le prince ne peut pas toujours être vertueux, en revanche, il doit toujours paraître vertueux. Ce qui compte pour Machiavel, c'est la réalité effective. L'action est liée à l'apparaître parce qu'elle s'exerce dans l'espace public, qui n'est qu'un espace d'apparition. Il est nécessaire pour le prince de savoir agir par force, comme le lion, mais aussi de procéder par ruse, comme le renard. Mais la rupture la plus importante pour Myriam Revaud-Allonne, celle qui permet de comprendre l'avènement de la post-vérité, c'est l'introduction des vérités de fait, qui se placent quelque part entre la vérité rationnelle et l'opinion, et qui sont vécues en commun par le corps politique. Or, si ces vérités-là ont toujours été particulièrement vulnérables, elles sont devenues encore plus vulnérables à l'ère de l'information globalisée et du relativisme, jusqu'à se confondre avec les opinions. Dans un tel contexte, en effet, la vérité n'a plus de sens. Néanmoins, pour combattre cette néantisation du réel, Revaud-Allonne, en excellente lectrice de George Orwell, n'en appelle pas au savoir institué, mais plutôt à un sursaut de la vérité du commun, qu'est la common decency, la décence commune, cet affect structurant qui nous dispose à entrer en communauté et dont la privation ou l'absence sont le signe de l'inhumain. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Marie Simon qui a préparé cette émission avec Colomba Grossi, Isis Jourda, Sharon Oury, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie. À la réalisation cette semaine, c'est Philippe Baudouin et Milena Hellig. À la prise de son aujourd'hui, Élise Le. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Narcisse et le narcissisme. Demain, ce sera l'écrivain Gérard Wajmann, écrivain et psychanalyste, qui viendra évoquer les fantasmes du peintre Caravage au sujet de Narcisse. Évidemment, demain donc, ce sera Narcisse en peinture. Mais d'ici là, pour réécouter cette émission ainsi que les précédentes diffusées cette semaine sur Narcisse, sachez que c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter à l'heure de votre choix avec les personnes de votre choix. Rendez-vous également sur les réseaux Instagram, Twitter, Facebook pour faire quelques selfies et puis laisser vos commentaires et réactions. On aura plaisir à vous répondre. On se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.